Où rangez-vous les vêtements? Je les range dans l'armoire. Où rangez-vous l'aspirateur? Je le range dans le placard. Où garez-vous la voiture? Je la gare dans le garage. Où mettez-vous le linge sale? Je le mets dans le panier. Où jetez-vous les journaux? Je les jette dans la poubelle jaune.